Chapitre deuxième. Le comte de Mondieu reconduisit Germaine jusqu'à la porte du Coquet Hôtel occupé jadis par Regina et qui était devenue sa propriété. Sans la moindre apparence de haine et même de rancune, elle lui tendit la main et le comte la serra avec un frémissement qui le pénétra jusqu'aux moelles. Puis il partit à l'aventure, sans trop savoir où, hanté par l'enivrante image de celle qu'il aimait plus follement que jamais. Il dîna dans un cabaret à la mode, mangea n'importe quoi, parcourut le boulevard d'un pas fiévreux en fumant cigare sur cigare et pour tuer le temps, s'en alla au cercle. Il joua comme un novice, fut nerveux, préoccupé, lui, l'homme au sang-froid que rien ne démontait, et perdit une grosse somme. « Malheureux au jeu, heureux en amour !» dit en ricanant Guy de Maltaverne. « Oui, comte, vous n'avez pas volé cette culotte, renchérit Francorville, et ce n'est pas payé trop cher ce tête-à-tête avec votre belle inconnue de tantôt. Vous nous présenterez à la première occasion, n'est-ce pas ?»« Vous m'embêtez !» riposta rudement Mondieu. « Seriez-vous jaloux ?»« On le serait à moins, » opina gravement Jean de Beugin, « et je comprends que Mondieu ne veuille pas introduire chez sa dame notre petit clan de Vauverny. » Mondieu haussa les épaules et partit sans ajouter un mot, après avoir échangé ses jetons contre plusieurs liasses de billets. Il rentra chez lui et ne put fermer l'œil tant la pensée de Germaine l'obséda, le ravit, le tortura. Le lendemain, il dévalisa la boutique d'un fleuriste à la mode et envoya chez Germaine une chartée de fleurs. À 2 heures après-midi, il se présenta à l'hôtel de la rue Euler, mais fut éconduit. Madame ne recevait pas. Le soir, même énervement, même des veines au jeu, même hantise qui tordait ses nerfs et faisait bouillir son sang. Le surlendemain, il trouva porte close après avoir envoyé une autre chartée de fleurs et partit furieux, prêt à toutes les concessions. On n'avait pas revu Germaine au bois, et le comte dut se contenter de cette réponse banale et désespérante. Madame ne reçoit pas. De nouveau, il partit au hasard, ne songeant plus à ces entreprises ténébreuses qu'il conduisait de front avec cette habileté diabolique à laquelle il devait sa position dans la société parisienne et devenu pour l'instant un homme ordinaire tant il était rudement et plus que jamais touché. Parfois, son tempérament dominateur jusqu'à la tyrannie, violent jusqu'à la férocité, reprenait le dessus et il grondait en mâchant son cigare. « Se moquerait-elle de moi ? Voudrait-elle me faire aller ? Se venger en m'affolant ? Ainsi je savais. Je suis un homme à ne pas reculer devant une nouvelle violence. » Puis il reprenait à demi dompté, se trouvant absurde. Mais non, je ne pourrais même plus la posséder comme jadis. Un corps inerte, des imprécations, la haine. Il me faut son amour, je veux qu'elle se donne volontairement à moi. 4 jours se passèrent ainsi, sans que le comte eût pu franchir la porte de l'hôtel de la rue Euler et sans que rien eût pu le rebuter. Le 5e jour, enfin, la désespérante réponse du domestique fut modifiée. « Madame est visible et recevra monsieur. » Il tira une poignée de louis de sa poche, les mit dans la main du valet ravi de l'aubaine et fut séance tenante introduite au salon. 5 minutes après, Germaine entrait et tranquillement, avec son sourire énigmatique et troublant, lui tendait la main. Le comte la regardait extasié, admirant sans réserve cette merveilleuse créature dont la captivante beauté resplendissait. « Oh Germaine, Germaine !» dit-il avec cette émotion qu'il ne parvenait jamais à dominer en sa présence. « Pourquoi m'avoir privé du bonheur de vous voir pendant ces interminables journées ?»« Mais, » dit-elle avec une indéfinissable expression qui participait à la fois de la raillerie et de l'enjouement, « sans doute parce que je n'éprouvais pas moi cet impérieux besoin d'un tête-à-tête avec vous. » « Cependant, aujourd'hui, vous m'accueillerez sans retard et... »« Allez-vous me le reprocher ?»« C'est sans doute parce que je suis capricieuse. » »« Voyons, dites... » Est-ce que cela ne me va pas bien, mes petites volontés ? Germaine, je ne vous reconnais plus. Est-ce que je suis changée, en lady ? Vous êtes toujours belle, trop belle. Ce n'est plus la Germaine de jadis. Ah oui, la petite bécasse d'autrefois. Est-ce à vous de vous en plaindre ? Allez-vous me reprocher d'aimer le luxe, les toilettes, le bien-être ? Trouverez-vous mauvais que je sois devenue un peu mondaine ? Le comte, abasourdi, n'en revenait pas. Eh quoi ? Se pouvait-il que l'ouvrière, l'honnête fille qui avait résisté à ses plus ardentes sollicitations et refusé même l'offre de son nom, fût cette même femme qui évoluait librement au milieu de ce luxe et lui ripostait avec cet aplomb déconcertant ? Il la crut déchue, tombée irrémédiablement au rang de ces noceuses que le labeur quotidien fatigue un beau jour et bêtement se laisse aller sur la pente du vice. Il ne l'en aima pas moins et l'en désira plus ardemment encore. Seulement, Il pensa pouvoir la posséder plus tôt et satisfaire, moitié de gré et moitié de force, l'infernale passion qui le rongeait. « Au contraire, » lui dit-il en dardant sur elle un long regard luisant de fièvre. « Mais je vous aime et je suis jaloux. »« Allons bon !» interrompit Germaine d'un ton de Gavroche que lui eût envié Bobineau. « Voilà les bêtises qui recommencent. Mais mon pauvre ami, vous êtes d'un monocorde attristant. » Puis avec un mouvement indéfinissable des épaules, elle ajouta. « Dieu que c'est ennuyeux, les hommes qui n'ont à vous parler que de leur dénommé amour. Mais puisque je vous adore, vous êtes incorrigible. Mais puisque je ne vous aime pas. Oh, je vous forcerai bien à m'aimer, puisque vous avez pardonné. Jadis, oh, je vous aimais tant. » Qui vous fait supposer que je vous ai pardonné? Ma présence ici, cette camaraderie que vous me témoignez. Mais, riposta Germaine en le regardant bien en face, je joue peut-être une comédie. Qui sait si je ne me moque pas de vous, si je ne vous excite pas à dessein, pour exaspérer une passion qui doit être bon teint, à en juger par sa durée et votre ténacité. Ne jouez pas à ce jeu-là, Germaine, interrompit le comte en rivant lui aussi ses yeux aux siens. Pourquoi? Car vous pourriez réveiller le sauvage, l'homme aux instincts farouches qui se cache sous l'aspect mondain. Tiens, je voudrais bien voir ça, fit Germaine avec cet intraduisible mélange de gaminerie, de scepticisme et de bravade qui interloquait par instant son adorateur. Oui, car si le criminel d'autrefois était un amant passionné, aujourd'hui l'amant toujours passionné, mais trop brave, pourrait bien redevenir un criminel. Germaine laissa échapper un long éclat de rire qui s'égrena comme un solo de rossignol. Puis elle ajouta, quand cet accès d'hilarité fut passé. « Ça c'est bien drôle, il va me traiter comme une simple Lucrèce !» Réellement déconcerté, mon Dieu comprit qu'il allait être irrémédiablement ridicule aux yeux de cette femme qu'il adorait et qui peut-être, d'ailleurs, l'excitait à dessein. Sous peine de cette déchéance absolue, il résolut d'agir sans retard et d'emporter d'emblée la place par un de ces coups d'audace qui réussissent le plus souvent à ceux qui savent oser. Il se leva, développa orgueilleusement sa taille haute, puis d'un mouvement exécuté avec une rapidité inouïe, il saisit à pleine main les poignets de Germaine. Il approchait en même temps son visage flambant de passion et tentait de coller ses lèvres à sa bouche, puis de la renverser sur un divan. Sans crier, sans appeler à l'aide, sans même cesser de sourire et d'un geste lent mais irrésistible, comme si ses muscles eussent été tressés en fil d'acier, Germaine releva ses avant-bras. Ses poignets s'arrachèrent sans effort apparent aux mains qui les tenaillaient et apparurent bleuies par la pression. En même temps, elle reculait de 3 pas et tirait de la poche de sa robe de chambre un petit revolver à crosse de nacre monté en argent, un bijou d'arquebuserie. Puis, éclatant de nouveau de son rire perlé qui s'égrenait en fusée folle, elle le braqua sur le comte, interdit de cette vigueur extraordinaire alliée à une telle présence d'esprit. Néanmoins, il allait passer outre et risquer peut-être une blessure dangereuse. D'un mot, Germaine l'arrêta. « Voyons, soyez sage, ou vous me forceriez à vous éborgner. Vraiment, ce serait dommage, car vous êtes un bel homme. Ce bijou n'a l'air de rien, système Flaubert. Pas de bruit, mais une pénétration incroyable, et une justesse quand on sait s'en servir. Tenez, voyez plutôt. » Le salon, très vaste, pouvait avoir environ 7 mètres de largeur. Il recevait le jour 4 fenêtres monumentales donnant sur le jardin. Chacune de ces fenêtres s'ouvrait et se fermait par un mécanisme qu'actionnait une poignée ovale en fonte, recouverte de peintures blanches feuilletées d'or. Sur ces poignées, formant espagnolette, il y avait un petit point noir, grand comme un pain à cacheter, et simulant la mouche d'un carton de tir. Avec son prodigieux sang-froid, et sans que le rude effort pour se dégager de l'étreinte du comte fît trembler sa main, Germaine abaissa son arme dans la direction de la première fenêtre et pressa la détente. L'amorce détonna en produisant son petit bruit sec, et la balle, avec une précision inouïe, vint s'écraser sur la pomme de l'espagnolette, entre les 2 grandes vitres. Le comte était confondu par ce calme et cette adresse qu'il ne soupçonnait pas. « Bien tiré, hein ? » fit Germaine. « Comme vous pourriez cependant soupçonner le hasard, je vais redoubler et toucher cette cible de fantaisie. » Puis elle ajouta, souriant toujours. « Je vais continuer, puis tripler, quadrupler, quintupler, pour vous montrer que le maniement d'une arme est pour moi familier. » Voyez encore. Et coup sur coup, elle pressa la détente 3 autres fois sans que son habileté se démentît. Chaque balle couvrait exactement la précédente et retombait écrasée sur le tapis. Germaine souriait d'un air un peu ironique et disait « Je vous ferai observer que je n'ai jamais fêlé de vitre. Ça, c'est la moindre des choses. Et maintenant, êtes-vous édifié? Puis-je arrêter tout net un monsieur qui deviendrait, contre mon gré, trop entreprenant? Il n'y a plus qu'une balle dans ce revolver. Comme je n'ai pas en vous une confiance illimitée, je la garde. Au lieu de se percer bêtement la poitrine avec un couteau de cuisine, Lucrèce se défendrait, et cette balle se faufilerait à travers un œil jusqu'à la cervelle de monsieur le comte, Sextus Tarquin. Le comte souriait, un peu embarrassé, tâchant de faire bonne contenance. « Cette dernière cartouche peut rater, » dit-il enfin. « Et alors ?»« J'aurai recours à ce petit poignard aigu comme une dent de vipère, et comme elle, empoisonné d'un venin subtil qui ne pardonne pas. Cela vient de chez les Indiens. Vous connaissez peut-être cette drogue, monsieur le comte, vous qui savez tant de choses. Moi j'ai appris cela sur le tard, avec quelques bribes d'histoire, pour ne pas avoir l'air trop bête. À présent, causons, et amusez-moi. Et surtout pas d'amour. Vous entendez? Pas d'amour, si vous voulez que nous restions amis. Eh quoi? En sera-t-il donc toujours ainsi? Me sera-t-il donc à jamais interdit d'espérer? Bah, qui sait? L'avenir est baroque et les femmes sont si drôles. Comment? Germaine, est-ce bien vous qui parlez ainsi? Mais mon cher, convenez que si je n'arrive à ressentir le dénommé amour, ce sera le comble de l'extravagant et de la drôlerie. Je suis encore bonne fille en vous permettant d'espérer. Cette liberté d'allure et d'idée, ce ton plein de jovialité aiguisé d'une pointe d'ironie, déconcertait de plus en plus le viveur et aussi l'excitait. Il trouvait là une Germaine plus énigmatique et plus troublante que l'enfant naïf enlevé par lui et odieusement violenté. Un homme habitué à de nombreux succès en amour, bien sûr de lui, adroit, entreprenant, audacieux, il se prenait à espérer, ne pouvant pas soupçonner qu'un individu de sa trempe, un bandit éprouvé comme lui, pût être joué par une femme. Reprenant aussitôt sa lucidité d'esprit, redevenant subitement le mondain occupé gravement aux papotages qui remplissent la vie de ses désœuvrés, il demanda « Vous irez ce soir à la première de la Porte Saint-Martin ?»« Oui, j'ai fait retenir une avant-scène de première. Et voyez comme je suis bien servie. Mon intendant, me sachant capricieuse, a également loué une avant-scène de seconde. Je n'ai que l'embarras du choix. Vous me permettrez de venir vous y saluer ?»« Certainement. Mais vous m'amènerez des gens de votre connaissance, à la condition qu'ils soient amusants. Je vous présenterai la petite bande de Vauverny. Ils vous feront rire. » »« À merveille. » À propos, dites-moi, toutes les bonnes places pour ce soir sont arrêtées. Je suis disposée en votre faveur de l'une de mes avant-scènes. Je vous remercie, mais je ne saurais comment l'utiliser. Si, pourtant, votre fille, mademoiselle Suzanne de Mondieu, désirait voir bataille de dames, elle en serait empêchée? Ma fille, vous savez que j'ai une fille. Vous la connaissez? Pourquoi pas? Elle sort très peu, ne va pas dans le monde, n'aime guère le théâtre. Mais enfin, si elle voulait y aller ce soir, l'empêcheriez-vous? Pourquoi? Mon cher, vous employez le procédé de discussion habituel aux femmes. Répondre à une question par une question. C'est juste, fit le comte étonné d'avoir affaire à un aussi rude jouteur. Eh bien? Je verrai. Si je devais l'autoriser, car je ne sais pas si... Allons, ne bafouillez pas! Il vous serait probablement désagréable que mademoiselle Suzanne vous vit dans la loge d'une dame qui est peut-être une demoiselle. Rassurez votre pudeur, prenez ce coupon et offrez-le à sa destinataire. Il me plaît absolument à moi de la voir. C'est une concession que je veux, que j'exige. Mais pourquoi? C'est mon idée, une tocade. N'a-t-il pas tenu qu'à moi d'être sa belle-mère? Qui l'accompagnera? Sa dame de compagnie, elle est faite pour cela. Le comte, ne se sentant pas la force de résister à une volonté si nettement formulée, craignant de mécontenter Germaine et déjà matée, ajouta « Qu'il en soit selon votre désir. J'accepte votre avant-scène. » « Et votre fille viendra ?»« Oui, si elle le désire. »« Très bien. Laissez-moi maintenant m'apprêter pour ma promenade, et à ce soir. » Dès que le comte fut sorti, Germaine gagna son cabinet de toilette et se mit à l'appareil téléphonique. « Allô ? Allô ? Mademoiselle ?» « La communication, je vous prie, avec M. Vandol, rue d'Enfer Rochereau, numéro 12 bis. » Deux minutes s'écoulèrent. « Est-ce vous, Maurice ?»« Bonjour, mon ami. » »« Oui, je vais bien, merci. » »« Venez ce soir sans faute me serrer la main dans ma loge, quel que soit mon entourage. »« Mais si, il le faut absolument. » »« Espérez, mon cher Maurice, elle y sera. » »« Oui, Suzanne, votre Suzanne, si vous savez la décider par un mot. » « Non, ne me remerciez pas. Je suis heureuse de votre bonheur. Au revoir, Maurice. » Et quand la communication fut interrompue, Germaine, dont les traits s'étaient détendus en causant à distance avec son ami le peintre, Germaine reprit son masque railleur au moment où entrait sa femme de chambre. Elle songeait, pendant que celle-ci dénouait son opulente chevelure, « Ils seront heureux par moi. J'aurais pu me venger sur une innocente, moi qu'on n'a pas épargnée. Mais il y a quelque chose de plus grand que la vengeance, le pardon. Oui, le pardon pour les faibles. Quant aux autres, les vrais coupables. Ah, ça sera terrible !»